Portrait, une émission de Mike Lécuyer qui vous propose en quelques titres de retracer le parcours de musiciens qui ont marqué l'histoire du blues et du rock. Portrait. Portrait J. Jekyll, l'antistar. J. Jekyll, de son vrai nom John Weldon Kell, est un auteur, compositeur, interprète et guitariste américain, né le 5 décembre 1938 en Oklahoma et mort le 26 juillet 2013 en Californie. Troisième partie, la consécration et le coup de blues. Hey baby, it's your time now. Hey baby, you made it somehow. Don't let nobody come and bring you down. Grâce aux droits d'auteur de ses trois premiers albums et surtout aux reprises d'After Midnight par Eric Clapton, voire première partie, et de Call Me the Breeze par Lynyrd Skynyrd, voire deuxième partie, J. Jekyll achète une maison près de Nashville, un bateau pour la pêche, une moto, quelques guitares et un camping-car. Mais cela ne l'empêche pas de partir en tournée pour la première fois en Europe et en France où il se produit le 26 avril 1976 au Pavillon de Paris, aussi surnommé les Abattoirs, salle peu adaptée à son style intimiste pour faire connaissance avec le public français. Mais ce sont les aléas des tournées dont J. Jekyll n'a jamais été très friand. Il enregistre également son quatrième album, Troubadour, qui paraît en septembre 1976. Et comme pour chaque album, le premier titre est une petite merveille. On se croirait en fin d'après-midi, assis sur le ponton, en train de ranger les cannes à pêche et compter les poissons, une bière bien fraîche à la main. Ça swing tranquille, le climat s'installe dans une douce torpeur avec des cuivres discrets et hypnotiques et un superbe solo de pédale steel. Le son est beaucoup plus clair, aéré, on distingue mieux les instruments, même sa voix est un peu plus en avant, mais pas trop quand même. C'est une caractéristique chez J. Jekyll, on ne se met pas en avant, on ne tire pas la couverture à soi. Un peu de musique mexicaine, un peu de jazz, un peu de blues, évidemment. Et puis, en fin de la face 1, sans prévenir, juste avant de retourner le 33 tours, arrive Cocaïne, qui va devenir son plus grand succès grâce une nouvelle fois à Eric Clapton. Le riff de guitare, reconnaissable dès la première mesure, devient un des plus célèbres gimmicks du rock, à l'instar de ceux de Keith Richards ou Pete Townshend. Est-il besoin de préciser que ce n'est pas une invitation à se droguer ? J. Jekyll a toujours expliqué qu'il n'avait jamais pris de cocaïne. reprise de Cocaine, légèrement accélérée, légèrement plus hard, par Eric Clapton sur son album Slow Hand, est pour beaucoup dans le succès de la deuxième tournée européenne de J.J. Cale, qui passe en mai 1977 par un Olympia bondé, mais où l'on met toujours deux ou trois morceaux avant de reconnaître le bonhomme. En 1978, Eddie Mitchell publie l'adaptation française d'After Midnight sur son album enregistré à Nashville avec la participation de J.J. Cale. Eddie Mitchell doit se produire pendant 3 semaines à l'Olympia et invite donc J.J. Cale à faire sa première partie. Mais il décline l'offre car cela représente trop de boulot et de contraintes et surtout, il préfère l'ambiance des studios d'enregistrement. Passer, les sentiments se laissent aller. Après minuit, parler signifie être en vie. Après minuit, la fille au bar devient jolie. À noter que Joël Deydé en avait déjà fait une adaptation en 1976. Après minuit, y en a qui pensent que tous les chats sont gris. Après minuit, y en a qui croient que tout leur est permis. Pendant que l'insensible tue l'autre qui s'enivre et le troisième qui râle sur son patron. Après minuit, y en a qui pensent que tous les chats sont gris. Et oui. Après minuit. Vous écoutez Portrait, une émission de Mike Lécuyer. De retour à Nashville, c'est au cours d'un concert de B.B. King que J.J. Cale va rencontrer pour la première fois Christine Lackland, une guitariste rythmique qui participe à des sessions et des remplacements, principalement dans des groupes country. Cale va l'inviter occasionnellement sur quelques concerts, jusqu'à devenir un membre permanent de son groupe et enfin sa femme. C'est en continuant d'aménager son propre studio que commencent les enregistrements du 5e album, qui s'appellera tout simplement Five, et paraît en été 1979. Dès le premier morceau, le très beau 13 Days, on entend la voix de Christine Lackland. Thank you. man. When we come to your town, but it's easy again. Well, we've been to California, we've been to New York. Some think we're good, others think they don't. À noter pour les fans et autres collectionneurs que le titre Catty Cool Lady est composé par Christine Lakeland, mais que sur la réédition en CD, une erreur s'est glissée puisque c'est le titre Out of Style qui est gravé, bien que la pochette indique toujours Catty Cool Lady. Autre anecdote, sur Don't Cry Sister, on les entend tous les deux chanter en harmonie. C'est une première. Don't cry, sister, cry. It'll be alright in the morning. Don't cry, sister, cry. Everything will be just fine. Don't cry, sister, cry. It'll be alright. I tell you no lie. Don't cry, sister, cry. Don't do it, don't do it. When old man drunk knocks on your door, don't give no key. Just once more. It's in your life, misery. It'll be alright, it'll be alright. Don't cry, sister, cry. Everything will be just fine. Après la sortie du disque, J.J. Kell s'octroie une pause en sillonnant la Californie avec son camping-car, mais toujours avec ses guitares. En 1980, il décide de quitter définitivement Nashville pour s'installer à Los Angeles, où il loue une maison pour la semaine et retrouve son camping-car le week-end. Sheds, son sixième album, qui paraît en 1981, est le dernier pour le label Shelter Records de son ami Leon Russell. Il est le résultat de séances entre Nashville et Los Angeles, avec une nouvelle fois une très belle réussite à deux voix harmonisées, Carry On, qui ouvre le disque. If life's a little down, they keep coming round, carry on. Carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on. Carry on. Don't cry, baby. Look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, please, please. Go down on your knees. Carry on. Carry on. It is full of doubt. You can't figure it out. Carry on. Carry on. Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on. Carry on. It don't matter what you say or do. It just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack. Take it off your back. Notons une nouvelle adaptation française, cette fois-ci par Francis Cabrel, du titre Mamadonte, sous le nom Maman n'aime pas, en 2008. I don't care what mama don't lie, I play my bass anyhow. Mama don't lie no bass in this place. Hey, mama don't lie no drumming going on. Yeah, mama don't lie no drumming going on. I don't care what mama don't lie, I'm gonna play my drums anyhow. Mama don't lie no drumming going on. Mm-hmm. Madame n'aime pas la basse non plus. Madame n'aime pas la basse non plus. Madame n'aime pas les basses fréquences. On se demande à quoi Madame pense. Nous, sans la basse, on est perdu. Madame n'aime pas la batterie, je crois. Madame n'aime pas la batterie, je crois. Ah, il faudra que Madame s'y fasse, qu'elle sache que rien ne remplace un bon tempo comme celui-là. Toujours issu de sessions entre Nashville et Los Angeles, Grasshopper, bien qu'il ne contienne pas d'énormes tubes, est pour moi l'album idéal pour faire découvrir J.J. Cale à toute personne qui n'en aurait jamais entendu parler. On y entend toute la palette des sonorités, styles et compositions de l'artiste. À commencer par le magnifique City Girls, à l'ambiance douce amère. Let us want you for the night. When the morning comes at dawn, city girls, they all gone. Know the daylight, can they say it? When you feel that you've been had, only nighttime brings a prize. City girl, she thinks it's right. Les instruments, le mixage de ce disque, tout est une réussite totale. Le folk acoustique de Drifter Wife, le shuffle de One Step Ahead of the Blues, la ballade poignante de You Keep Me Hanging On, le rock de Devil in Disguise et le surprenant reggae pop Does Your Mama Lie to Reggae avec Christine Lakeland. You gotta come on home to me. Pour la sortie du 8e album, intitulé simplement 8, une grande nouveauté. C'est la première fois que JJ Cale apparaît sur le recto d'une pochette. Même si la photo en noir et blanc ne risque pas de l'empêcher de se promener incognito, c'est certainement à la demande de Mercury, sa nouvelle maison de disques. Mais les rapports entre l'artiste et Mercury deviennent tendus, car on lui reproche de ne pas avoir enregistré un bon gros tube pour sa nouvelle maison de disques. Pourtant, un titre comme Money Talks deviendra, au fil des années, un véritable standard. Thing. Money talks. Money talks. Money talks. Le contrat de Mercury stipulait 4 albums, mais J.J. Cale décide de racheter son contrat et de faire un break pendant 4 ans. Avec Christine Lakeland, ils vont faire du vélo, aller régulièrement à Disneyland, voir des concerts, des amis. Une petite tournée au Canada en camping-car, puis une autre sur la côte ouest des États-Unis, et enregistrer quand même quelques compositions, au hasard des rencontres ou des inspirations. C'est ce que nous verrons dans la quatrième partie du portrait de J.J. Cale. C'était l'émission Portrait. Bonsoir.